Comment dit-on « je parle » ? Hablar. Ça, c'est « parler ». Hablo. Je n'ai pas bien entendu quelle était la syllabe sur laquelle vous avez voulu insister. Hablo. Hablo. Et vous, hein, usted, vous parlez, il parle, elle parle. Habla. Vous n'avez pas accentué au bon endroit. Habla. D'accord. La place de la syllabe accentuée est importante. Habla. Si vous voulez dire il ou elle hein, au pluriel parle, avec il au pluriel qui se dit ellos ou elle au pluriel qui se dit ellas, il suffit pour tous les verbes d'ajouter un n final au a ou au e, suivant la catégorie du verbe. Donc, il parle au pluriel, c'est hablan. Hablan, c'est ça. Hein? Donc, le N vient après le A. Et ils comprennent au pluriel, ça sera comprenden. D'accord, comprenden. Et elles sortent au pluriel salen. Salen, oui, du verbe salir. Donc, pour la forme avec il ou elle au pluriel, on ajoute un N après A ou E. Après A, dans les cas des verbes en AR, ou après E, dans le cas des verbes en ER et IR. Car les deux sons clés du présent sont A et E. Et A et E suivi d'un N, ça donne la troisième personne du pluriel. La forme avec il ou elle au pluriel. Donc, ils le font, c'est lo hacen. D'accord, hein? Très bien. Vous avez bien accentué. Hacen. Et elle au pluriel, elle l'achète. Lo compran. Non, lo compran. D'accord, dites-le une autre fois. Lo compran. C'est ça, hein? Lo compran. Hein? Lo compran. Et ils le vendent. Lo venden. Est-ce que vous pouvez répéter? Lo venden. Ils le vendent. Hein? C'est un pluriel. Or, j'ai entendu lo vende, qui veut dire il le vend au singulier. Ah, lo venden. D'accord. Hein? Donc, on doit toujours bien entendre le N hein, à la fin. Alors, dites-le à nouveau. Lo venden. D'accord. Hein? Lo venden. Lo venden. Ils le vendent. Ils au pluriel. Et maintenant, j'ai une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce N final qu'on emploie pour la forme avec il ou elle au pluriel sert aussi pour le vous de politesse pluriel. Ustedes. Donc, pour s'adresser à plusieurs personnes que vous voyez, vous utiliserez cette forme « ustedes ». Alors, par exemple, commençons par une question adressée à une personne que vous voyez. Pourquoi est-ce que vous ne le vendez pas ? Porque no lo ven. Oui, vous avez bien insisté sur le « ben », mais je n'ai pas entendu clairement la terminaison qui suivait. Porque no lo vende. Oui, mais dites-le avec un peu plus de conviction. Vende. Vende, hein? Exactement. Vende. D'accord. Il faut prononcer clairement la terminaison, sans pour autant l'accentuer. Oui. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que vous ne le vendez pas? Vous, usted. Por qué no lo vende? Oui, mais mettez-y davantage de conviction. Por qué no lo vende. D'accord, oui. Por qué no lo vende, hein? De, vende. Por qué no lo vende. De. Voilà. Et maintenant, si vous vous adressez à plusieurs personnes, hein, vous posez la même question à plusieurs personnes que vous voyez, a ustedes, pourquoi est-ce que vous ne le vendez pas? Alors, ça sera por qué no lo vende, non? Mettez-y plus de conviction. Por qué no lo vende? Vous parlez à plusieurs personnes que vous voyez. il vous faut employer la même forme que pour il ou elle au pluriel. Ce qui veut dire que de quoi on a besoin? D'un N. C'est ça, hein? Mais ce N, on doit pouvoir l'entendre, hein, et non pas le deviner, d'accord? Por qué no lo venden? D'accord. Maintenant, vous pouvez accentuer un peu plus. Venden. D'accord, là c'est clair. Por qué no lo venden? Maintenant, si vous vous adressez à une seule personne que vous vous voyez, à usted, et que vous lui dites « Pourquoi ne le faites-vous pas ?» Vous direz « Por qué ?» Por qué no... No lo... No lo... Hace. D'accord. « Por qué no lo hace ?»« Por qué no lo hace ?» Et maintenant, vous posez la même question à plusieurs personnes que vous vous voyez. À ustedes. Pourquoi ne le faites-vous pas? Por qué no lo hace? Dites-le encore une fois. Por qué no lo hace? Oui, mais je voudrais entendre plus clairement la terminaison. Alors, por qué no lo hace? A. Cen. Dites-le à nouveau. Por qué no lo hacen? D'accord, hein? Por qué no lo hacen? Et pourquoi ne le font-ils pas? C'est la même forme. Por qué no lo hacen? D'accord. Por qué no lo hacen?